De notre nation, l'homme blanc traverse son temps, face aux agresseurs de l'Est comme de l'Ouest, et pour ses défenseurs, face à cette peste, combat le système, tu combat le système, tu combat le système, tu combat le système. Tous ensemble, nous battrons le sionisme, tous ensemble, nous battrons le marxisme, nous imposerons notre drapeau, et nous imposerons l'ordre nouveau. Combat le système, tu combats le système, tu combats le système, tu combats le système, tu combats le système, tu combats le système, tu combats le système, tu combats le système. Nous imposerons notre drapeau, et nous imposerons l'ordre nouveau, nous apporterons notre drapeau, nous apporterons l'ordre nouveau. Combat le système, tu combats le système, tu combats le système, tu combats le système. Combat le système, combat le système, combat le système, combat le système, combat le système, combat le système.